Madame Raden, juge du contrôle des expertises, nous donne le point de vue du magistrat au travers du processus juridique et pénal. Madame Raden. Il y a donc deux procédures distinctes, la procédure pénale et la procédure civile. La procédure pénale, c'est lorsqu'il est porté atteinte à un intérêt général sanctionné par la loi. La procédure pénale donne lieu au prononcé d'une peine qui est une peine, par exemple une amende, qui est prononcée au profit de l'État. La procédure civile, elle est chargée de régler un conflit entre deux particuliers. Alors l'attitude du juge dans les deux situations est différente. Dans la première situation, finalement, il va surtout examiner le faiseur de bruit. Est-ce que le faiseur de bruit en matière pénale a-t-il contrevenu aux normes édictées par le législateur ? Dans la seconde solution, il va être obligé d'examiner non seulement l'attitude du faiseur du bruit, mais également l'aptitude de celui qui reçoit le bruit. Donc on va parler en premier lieu très brièvement de l'action pénale en matière de bruit. Alors elle est mise en mouvement par le procureur de la République après que l'infraction ait été constatée par l'autorité administrative ou par la police judiciaire. Il est également possible à un particulier, lorsque la police refuse de se rendre sur les lieux, de saisir directement le procureur de la République qui jugera de l'opportunité de faire constater l'infraction par la police ou la gendarmerie. Alors les principales infractions, ce sont les non-respects des divers arrêtés de police municipale, du règlement sanitaire et social, en matière du droit du travail, en matière de matériel de chantier. Et ensuite, il y a les problèmes du bruit de voisinage. Alors maintenant, l'action civile. Alors cette action civile, elle peut être engagée pour un bruit pénalement sanctionné, mais aussi pour un bruit non pénalement sanctionné. Alors l'avantage de la procédure civile. On peut demander au juge, outre les dommages et intérêts, la condamnation de l'auteur à effectuer tous travaux nécessaires pour faire cesser les troubles. Alors, il n'existe pas en matière civile de texte spécifique. Le juge applique les textes de règle générale sur la responsabilité pour faute. La faute étant appréciée de manière très large, il suffit que le bruit soit anormal pour qu'il soit fautif, et également la responsabilité du fait des choses, c'est-à-dire de l'animal ou des animaux, donc du matériel qui vous appartient, des machines, ou responsabilité du fait de l'animal qui va aboyer fréquemment et de manière anormale. Bon, alors, les grandes règles, parce qu'en fait, il faut donc démontrer un trouble de voisinage. Alors, le trouble de voisinage, je vais vous lire des extraits d'un jugement pour vous dire à peu près comment on entend le trouble de voisinage. La responsabilité d'une personne publique ou privée est engagée dès lors que ses activités, même normales, excèdent les inconvénients normaux de voisinage. Il faut pour cela que son activité se révèle anormale. L'anormalité doit être appréciée d'après les circonstances et l'environnement. Les obligations de voisinage comportent pour chaque voisin, l'obligation passive de supporter l'activité de son voisin. Il importe en conséquence de définir dans chaque cas d'espèce, indépendamment de l'importance du préjudice, l'étendue de l'obligation passive qui s'imposait à la victime du trouble. Cette obligation doit être relativisée en tenant compte des circonstances de temps, de lieu dans lesquels s'inscrivent les relations de voisinage et la personnalité des victimes. Alors, dans les espèces pratiques, dans les décisions que j'ai trouvées, le juge tient compte de l'environnement, d'une certaine manière de l'acceptation du risque, de certaines activités indispensables et pourtant à l'origine de nuisances. Et le juge est plus tolérant quand les nuisances sont dues à des activités industrielles notamment. Alors, c'est ainsi que le bruit provoqué par un coq et trois tourterelles dans une zone non urbaine n'a pas été considéré comme une origine de nuisance. Alors, par contre, le bruit d'un compresseur installé dans la cave d'un immeuble résidentiel, bien que ne dépassant pas les normes généralement admises, donc vous voyez, les normes ne suffisent pas, la Cour a considéré que le bruit était gênant, comme celui provoqué par une centaine de gros camions pénétrant dans l'enceinte d'un magasin à grande surface installé dans une zone résidentielle. En 1976, le législateur a supprimé tout droit à réparation lorsque l'installation du plaignant est postérieure à celle de l'entreprise à l'origine des nuisances. Mais il faut un certain nombre de conditions. Il faut que la nuisance soit liée à l'exercice d'une activité agricole, industrielle, artisanale ou commerciale. Sont exclues les activités professionnelles telles l'enseignement de la musique, les répétitions d'artistes. Oui, sont exclues également les nuisances non inhérentes à l'exploitation, c'est-à-dire au tapage de consommateurs d'un établissement de nuit, d'un débit de boisson. On estime que ce n'est pas inhérent à l'exploitation. Alors, l'activité ne doit pas s'être modifiée et doit s'exercer en conformité avec la réglementation. Donc, on ne peut pas tenir compte de l'état de santé du plaignant, qui exigerait un calme supplémentaire. Alors maintenant, que peut faire le juge civil, le pouvoir du juge civil? Il ne peut statuer que dans les limites des demandes qui lui sont formées. Il ne peut pas, si on demande 5 000 francs, il ne peut pas donner 10 000 francs. Si on ne demande pas des travaux, il ne peut pas ordonner des travaux. Il ne peut statuer que dans les limites de ce qui lui est demandé. Alors, pour évaluer les dommages et intérêts, puisque généralement, il lui est demandé de l'argent en réparation du trouble qu'ont subi les personnes, il tiendra compte de l'importance du trouble, de sa durée, de son intensité, de sa répétitivité. Alors, le juge pourra également ordonner des travaux, les travaux qui ont été préconisés par l'expert, éventuellement sous astreinte. C'est-à-dire, il dira, si vous n'avez pas effectué les travaux d'ici 3 mois, à ce moment-là, vous devrez payer tant d'argent par jour de retard ou par mois de retard. Voilà. Et il peut également, je l'ai vu, déterminer, alors c'était un problème de saxophone, déterminer les heures auxquelles le jeune garçon, c'était un adolescent qui jouait du saxophone, pourrait jouer au saxophone. Voilà.